إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers auditeurs, on continue ce soir la lecture et l'explication du livre intitulé Le mérite de l'islam, écrit par l'imam Mohammed ibn Sulayman al-Tamimi rahimahullah ta'ala. Nous allons voir aujourd'hui le chapitre qu'il a intitulé Chapitre sur ce qui est rapporté au sujet de l'étrangeté de l'islam et du mérite des étrangers. On a vu dans le cours d'hier la fin du chapitre dans lequel l'auteur rahimahullah ta'ala nous mentionnait des textes nous encourageant à rester ferme sur cette religion et à s'écarter de tout ce qui s'oppose à celle-ci parmi les formes d'apostasie ou d'innovation. Il a ensuite mentionné ce chapitre afin de nous faire savoir que celui qui fait des efforts pour rester ferme sur sa religion et pour mettre en pratique le Coran et la Sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, alors il sera inévitablement étranger parmi les gens. Car comme on va le voir dans les textes, l'islam a commencé étranger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était au départ seul à Mecca. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné d'avertir les gens, d'appeler au tawhid et d'interdire le shirk. Et il a commencé ce prêche alors qu'il était seul. Puis se sont joints à lui Abu Bakr et Bilal radiyallahu ta'ala anhuma. C'est pour cela que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut interrogé « Qui est avec toi sur cette religion ?» Il répondit « Un homme libre et un esclave. » C'est-à-dire Abu Bakr et Bilal radiyallahu ta'ala anhum. Il n'avait donc avec lui que deux hommes. Et l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam sortait de la norme à laquelle les gens de son peuple étaient habitués. Il appelait à une chose qui n'était pas ordinaire, quelque chose qui les surprenait. Et c'est pour cela qu'il a qualifié l'islam d'étranger. Après cela, nombre de personnes ont commencé à entrer en islam. Et bien sûr, durant les premières années, ils vivaient dans la peur, sous les épreuves et les persécutions des polythéistes de Quraysh. Une fois que leur nombre commença à augmenter et qu'ils subissaient des persécutions de plus en plus dures, Allah subhanahu wa ta'ala les a autorisés à émigrer vers la ville de Médine. Et c'est là-bas que l'islam s'est ensuite renforcé après la hijra. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a qualifié l'islam comme ayant commencé étranger, comme on va le voir dans les hadiths, cela signifie comme quelque chose qui n'est pas ordinaire, quelque chose qui est rare, quelque chose qui sort de la norme à laquelle les gens se sont habitués. C'est cela le sens d'une chose étrangère. Comme un homme qui n'est pas dans son pays, il est étranger à ce pays, il est différent des gens. C'est donc cela l'étrangeté de l'islam. Le fait que celui qui est sur l'islam, il sera inévitablement différent des gens. Et plus il fera des efforts pour se cramponner à sa religion comme il se doit, plus il sortira des normes auxquelles les gens se sont habitués. Et ceux-là ont de grands mérites, comme on va le voir dans les hadiths. Les étrangers, ceux que l'on appelle el-ghuraba. Et el-ghuraba, qui sont visés par ces hadiths, ce sont ceux qui se cramponnent fermement à la voix du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et on va revenir sur cela lors de la lecture des hadiths. Donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, il a commencé par citer dans ce chapitre un verset du livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui est le verset 116 de Surat Hud. Dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « فَلَوْ كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ » Si seulement il y avait dans les communautés d'avant vous des gens vertueux qui interdisaient la corruption sur terre, hélas, il n'y en avait qu'un petit nombre que nous sauvâmes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans cette sourate, dans sourate Hud, il mentionne comment il a fait périr les communautés précédentes. Puis après cela, Il mentionne que ces communautés n'ont péri que parce qu'il n'y avait personne parmi eux, ou très peu, pour ordonner le bien et interdire le mal. Si seulement il y avait dans les communautés d'avant vous des gens vertueux qui interdisaient la corruption sur terre. Hélas, il n'y en avait qu'un petit nombre que nous sauvâmes. Donc ce verset, il nous prouve que pour être sauvé de la perdition et pour être sauvé du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est indispensable d'ordonner le bien et d'interdire le mal. C'est cela qui te sauvera du châtiment. Quant à celui qui n'ordonne pas le bien et qui n'interdit pas le mal, même si lui-même est vertueux, alors il périra avec les gens. Et si un châtiment descend, alors Allah subhanahu wa ta'ala le ressuscitera en fonction de son intention, comme il est venu dans le hadith. Car lorsque le châtiment descend, seuls ceux qui ordonnent le bien et interdisent le mal sont sauvés du châtiment. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous précise dans ce verset qu'il n'était qu'un petit nombre. Et ceux-là, ce sont les ghurabas, ce sont les étrangers, ceux qui diffèrent de la norme des gens, ceux qui sont différents, qui ne se laissent pas aller dans les péchés et la corruption avec les gens, mais qui leur ordonnent le bien et qui leur interdisent le mal, même si les gens s'opposent à eux et les trouvent différents et les dénigrent et les rabaissent et ainsi de suite. Donc c'est pour cela que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné ce verset au début de ce chapitre, afin d'insister sur ce point, qui est qu'il fait partie des plus grandes caractéristiques des étrangers, des ghurabas, qu'ils ordonnent le bien et interdisent le mal, et que ceci est la cause pour être sauvés du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, a mentionné différents hadiths au sujet des ghurabas, et il a dit: d'après Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'islam a commencé étranger, et il redeviendra étranger comme il a commencé. Annoncez donc la nouvelle de Touba aux étrangers. Et ce hadith est rapporté par l'imam muslim, rahimahullah ta'ala. Il dit ensuite: ce hadith est aussi rapporté par Ahmed, d'après Ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu. Et il comprend ce qui suit. On lui dit: qui sont les étrangers? Qui sont les ghurabas? Il répondit: les individus isolés des tribus. Et dans une narration, les étrangers sont décrits comme étant ceux qui sont vertueux lorsque les gens sont corrompus. Et ceci est rapporté par Ahmed, d'après Saad ibn Abi Waqas. Et il comprend ce qui suit: annoncez donc la nouvelle de Touba aux étrangers en ce jour où les gens seront corrompus. Et At-Tirmidhi rapporte le hadith de Abdullah d'après son père, d'après son grand-père, dans lequel on trouve: Touba aux étrangers qui réforment ce que les gens ont corrompu de ma sunna. On voit donc, à travers ces différents hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une mise en garde contre l'égarement et le délaissement des principes de l'islam et un encouragement à se cramponner à cette religion, à se cramponner au Coran et à la Sunna, à faire preuve de piété et de vertu, même si les adeptes de cette religion ne sont qu'un petit nombre. Car ceux qui restent fermes sur cette religion, ils reçoivent cette bonne nouvelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncée dans ce hadith: Touba lil ghuraba. Qu'est-ce que Touba? Les gens de science ont dit que Touba, cela pouvait désigner un arbre au paradis. Également, ils ont dit que Toba est un nom du paradis. Donc, cela signifierait: annoncez donc la nouvelle du paradis aux Ghurabas. Annoncez-leur la nouvelle qu'ils entreront au paradis. Pourquoi? Pour leur patience sur leur religion. Du fait qu'ils se sont cramponnés à cette religion malgré leur étrangeté parmi les gens. Annoncez-leur la nouvelle du paradis. Et d'autres ont expliqué ce mot comme étant une bonne parole, signifiant que ceux-là auront le bonheur, la félicité. C'est pour cela que vous pouvez parfois trouver ce hadith traduit: bienheureux seront les étrangers, car c'est également un des sens de ce mot, comme on le retrouve dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au verset 29 de sourate Ar-Ra'd, lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala: alladhina amanu wa amilus salihat touba lahum wa husnu ma'ab. Ceux qui ont cru et accompli les bonnes œuvres auront le plus grand bien, ils seront bienheureux et le plus bon retour. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait cette bonne annonce dans ce hadith. L'annonce du paradis, l'annonce du bonheur, de la félicité. Pour qui? Pour les roulabars. Donc, cela doit encourager le musulman à faire partie de ces étrangers, à ne pas penser que sous prétexte qu'il est différent des gens, qu'il a une pratique différente de la masse des gens, voire même de la masse des musulmans. Ceci ne doit pas le décourager dans son cheminement sur la voie droite, mais il doit plutôt continuer à se cramponner fermement au livre d'Allah et à la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, même si les adeptes de la sunna ne sont qu'un petit nombre. Tu ne dois pas te faire leurrer par le grand nombre de gens qui sont sur le faux, car le grand nombre n'est pas un paramètre nous permettant de distinguer entre le vrai et le faux, entre la voie droite et l'égarement. Non. Ce qui nous permet de distinguer entre le vrai et le faux, c'est notre conformité au nom, au texte du Coran et de la Sunna. Donc si tu es sur le Coran et la Sunna, que tu as emprunté cette voie, que tu as choisi de te conformer à la voie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, en suivant les pas de nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, alors sache que tu peux espérer faire partie de ces étrangers et recevoir la bonne nouvelle du paradis. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi ces étrangers et de nous raffermir sur sa religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ses hadiths, lorsqu'on lui a demandé qui sont les étrangers, qui sont les ghurabas, il a donné trois descriptions. Il a dit les individus isolés des tribus. Il a dit également ceux qui sont vertueux lorsque les gens sont corrompus. Et il a dit aussi ceux qui réforment ce que les gens ont corrompu de ma sunna. Donc la première description, les individus isolés des tribus, c'est-à-dire ceux qui sont sur la vérité mais qui sont peu nombreux et qui, pour rester fermes sur la vérité, sont prêts à se séparer de leur pays, de leurs proches et de leurs tribus. Ils s'isolent des leurs. Ils les quittent pourquoi? Pour pouvoir pratiquer leur religion comme il se doit. De pouvoir mettre en pratique les enseignements du Coran, les enseignements de la Sunna, et vivre sa religion comme il se doit. La deuxième description que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donnée des étrangers, c'est ceux qui sont vertueux lorsque les gens sont corrompus. Qui sont vertueux, cela signifie qu'ils patientent sur la religion. Ils ne se laissent pas leurrer par la corruption des gens. Ils ne disent pas, tout le monde fait cela, je vais le faire aussi, il n'y a pas de mal. Il y a beaucoup de gens qui se laissent influencer comme cela. Ils voient un péché qui est commis par tout le monde, et ils te disent, mais tout le monde le fait. C'est comme s'ils te disaient, pourquoi moi je vais m'en priver alors que tout le monde le fait? Et ceci est une erreur. Ce n'est pas ce que tout le monde fait qui est juste à faire. Ce n'est pas en regardant ce que les gens font qu'on sait qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mauvais. Mais tu dois revenir pour cela aux prescriptions de ta religion, au texte du Coran, au texte de la Sunna. Donc, ceux-là, ils sont vertueux lorsque les gens sont corrompus. C'est-à-dire que la corruption des gens, la corruption de la société, elle ne les détourne pas du droit chemin. Ils restent fermes sur leur religion malgré cela, même s'ils sont un petit nombre, même si toute la société s'oppose à eux, ils restent fermes sur leur religion. Ils ne tombent pas dans la corruption et les péchés avec les gens. Et ceci, il ne fait aucun doute que cela demande une grande patience, de la persévérance, et également de la science afin de savoir qu'est-ce qui fait partie ou non de notre religion. La troisième description que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donnée des étrangers, et c'est une description très importante, il a dit, ce sont ceux qui réforment ce que les gens ont corrompu de ma sunna. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas contentés d'être vertueux, mais en plus d'être vertueux pour eux-mêmes, ils réforment ce que les gens ont corrompu, c'est-à-dire qu'ils appellent à Allah subhanahu wa ta'ala, ils ordonnent le bien, ils interdisent le mal, ils enseignent le bien de notre religion, et ils cherchent à corriger ce que les gens ont altéré et modifié de la religion du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne restent pas silencieux face aux déviations des gens. Ils ne disent pas je m'occupe de moi-même et je laisse les autres. L'essentiel, c'est que moi je sois pieux. Certaines personnes qui réfléchissent comme cela. Moi, alhamdoulillah, je prie, je fais mes prières. Eux, ils font ce qu'ils veulent. Non, ce n'est pas comme cela que tu dois réfléchir. Mais tu dois savoir qu'il fait partie des préceptes de ta religion, et qui ne sont pas des moindres, d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. Et de ne pas garder le silence face au faux et face au délaissement de la vérité. Donc les Ghurabas, Ce sont ces gens qui sont vertueux et qui réforment et corrigent ce que les gens ont corrompu de la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et dans l'autre version du hadith, il dit: annoncez donc la bonne nouvelle de Toba en ce jour aux étrangers lorsque les gens seront corrompus. Et ce car lorsque les gens sont corrompus, lorsque la masse des gens est corrompue, tombe dans des péchés, tombe dans des déviances, seuls ceux qui ont une foi ferme et qui sont dotés de certitude restent fermes sur la vérité, persévèrent sur celle-ci. Quant à ceux qui ont la foi faible, alors cela, bien souvent, ils vont dériver avec les gens. Si tu le mets au milieu d'un groupe de désobéissants, il va se laisser aller avec eux dans les péchés, en raison de la faiblesse de sa foi. Alors que celui qui est ferme sur sa foi, s'il se trouve au milieu de ces gens qui commettent des péchés, des désobéissances, tout d'abord, s'il en a les capacités, il va leur interdire ce mal, il va les appeler au bien, les appeler à se corriger. Et ensuite, il va s'écarter d'eux et ne pas se joindre à eux lorsqu'ils commettent ces péchés. Car il sait pertinemment que s'il se joint à eux, ne serait-ce qu'en restant présent avec eux, alors qu'ils commettent ces péchés, alors il a une part de responsabilité en cela. Quant au musulman à la foi faible, au musulman ignorant qui n'a pas beaucoup de science, il se peut que ces choses-là lui échappent et qu'il pense que, à partir du moment où il ne participe pas avec eux, il n'y a pas de mal. Je reste avec eux, ils commettent des péchés, mais moi je ne les commets pas. Mais sache qu'en restant en leur compagnie, ceci est une forme d'approbation de leurs péchés. Et c'est pour cela que tu dois t'en écarter si tu n'es pas capable de leur interdire de commettre ce péché. Donc on a vu ces caractéristiques des étrangers, qui sont des individus isolés, des gens différents, qui diffèrent de leur société, qui diffèrent des gens qui les entourent, car ils se cramponnent fermement au texte du Coran et de la Sunna, même si les gens s'y opposent. Ils sont donc vertueux malgré que les gens soient corrompus. Et ils réforment ce que les gens ont corrompu de la Sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne se taisent pas sur le faux. Car celui qui se tait sur le faux, qui ne blâme pas les péchés, qui reste avec les pécheurs, qui reste avec les désobéissants, et qui ne leur interdit pas, si le châtiment descend sur eux, alors le châtiment le prendra. Car comme on a vu dans le verset, seuls ceux qui ordonnent le bien et interdisent le mal sont sauvés du châtiment. Le châtiment le prendra avec eux. Il sera ressuscité en fonction de son intention au jour de la résurrection. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné un autre hadith qui est un hadith immense. Et il a dit, Abu Umayya a dit, j'ai interrogé Abu Tha'lab al-Khushani, radiyallahu ta'ala anhu, en lui demandant ce qu'il disait au sujet du verset suivant, qui est le verset 105 de Surat al-Ma'idah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idha tadaytum. Ô les croyants, vous êtes responsables de vous-même. Celui qui s'égare ne vous nuira point si vous vous suivez la bonne voie. Il a donc interrogé au sujet du sens de ce verset. Et Abu Tha'laba radiyallahu ta'ala anhu a répondu: je jure par Allah que j'ai interrogé à ce sujet un grand connaisseur. J'ai interrogé à son sujet le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il avait donc lui-même déjà interrogé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au sujet du sens de ce verset. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui répondit: ordonnez-vous le bien les uns les autres, et interdisez-vous mutuellement le mal, jusqu'à voir l'avarice obéie, la passion suivie, le bas-monde privilégié, et l'infatuation de chacun pour sa propre opinion. À ce moment, occupe-toi de ta propre personne et écarte-toi de la masse. Il y aura après vous des jours durant lesquels celui qui patiente sera comme celui qui empoigne une braise. Celui qui œuvre en ces jours aura la récompense de 50 hommes qui accomplissent des œuvres comme les vôtres. Nous lui dîmes: de 50 hommes parmi nous ou parmi eux? Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, de 50 hommes parmi vous. Et ce hadith est rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi, rahimahumallahu ta'ala. Donc on voit dans ce hadith l'explication de ce verset qui est compris par beaucoup de gens comme indiquant qu'il suffit à la personne d'être vertueuse et qu'elle ne doit pas se soucier des égarements des gens. Celui qui s'égare ne vous nuira point si vous vous suivez la bonne voie. Donc laissez-les s'égarer, ne vous en souciez pas et concentrez-vous sur vos personnes. C'est comme cela que beaucoup de gens comprennent ce verset. Or, ceci est une compréhension erronée. Ce verset, il ne t'indique pas que tu dois délaisser le commandement du bien et l'interdiction du mal, et que tu ne dois t'occuper que de ta propre personne, non. Ce verset, il nous indique que lorsque les gens sont corrompus, qu'ils délaissent la bonne voie, qu'ils s'égarent, alors toi, tu ne dois pas t'égarer avec eux. C'est cela qui est visé. Tu n'es responsable que de toi-même. Tu es responsable de tes actes. Donc toi, ne t'égare pas avec eux. Et si eux s'égarent, cela ne te nuira point, tant que toi, tu restes sur la bonne voie. Mais en parallèle de cela, tu dois tout de même accomplir ce qui t'incombe. Sinon, tu ne seras pas sur la bonne voie. Si tu vois les péchés devant toi et que tu ne les interdis pas, alors tu ne seras pas sur la bonne voie. Si tu vois que le bien est délaissé et que tu ne l'ordonnes pas, tu ne seras pas sur la bonne voie. Il fait partie de la bonne voie que tu ordonnes le bien et que tu interdises le mal. Et ceci est une obligation pour tout musulman, chacun en fonction de ses capacités. Comme cela est venu dans le hadith rapporté par l'imam muslim, rahimahullah ta'ala, d'après Abu Saïd al-Khudri, radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque parmi vous voit un mal, qu'il le change avec sa main. S'il a l'autorité, comme le détenteur du pouvoir, ou ceux qui travaillent pour lui, ceux-là peuvent interdire le mal avec leurs mains. Ou alors, le chef de famille dans son foyer, il a l'autorité, il se doit d'interdire le mal. Il ne doit pas laisser les gens qui sont sous sa responsabilité commettre des péchés et ne rien leur dire, non. C'est sa responsabilité, c'est lui qui a autorité dans ce foyer. Donc s'il voit un mal, il doit l'interdire. Celui qui ne peut pas l'interdire avec sa main, alors avec sa langue. Qu'il le change avec sa langue, qu'il porte le bon conseil, qu'il rappelle aux gens l'interdiction de ce péché, qu'il les exhorte, qu'il les appelle à la droiture, et ainsi de suite. Et celui qui ne peut pas, qui n'a pas la science pour faire cela, qui n'est pas capable, qui ne sait pas comment exhorter les gens, qui n'a pas les aptitudes pour cela, alors avec son cœur. Et ceci est le minimum exigé par la foi. Le minimum est que tu changes ce mal avec ton cœur, c'est-à-dire que tu le réprouves. Et il fait partie de la réprobation par le cœur que tu ne restes pas en compagnie de ces gens qui commettent ce mal. Il y a certaines personnes aussi qui ont des compréhensions erronées, ils disent: moi, je réprouve ce mal avec mon cœur. Et ils restent dans un endroit où il y a des péchés, en compagnie des auteurs de ces péchés. Ils disent: non, mais moi, je ne suis pas d'accord, je ne tolère pas ces péchés. Et après, à partir du moment où tu restes avec eux, tu rigoles avec eux pendant qu'ils commettent ces péchés, alors tu les approuves. Ceci est une manière d'approuver ses péchés. Donc tu ne peux pas rester avec eux, les approuver, ne pas les blâmer, puis ensuite dire: mais j'ai condamné dans mon cœur, je n'étais pas d'accord. Non. Cette condamnation qui est présente dans ton cœur, elle doit se traduire par des actes, comme le fait de ne pas rester en leur compagnie, de t'éloigner d'eux lorsqu'ils commettent ces péchés. Quoi qu'il en soit, il est indispensable pour le croyant, auteur de ses capacités, d'interdire le mal et d'ordonner le bien. Ceci est une obligation qui perdurera jusqu'à la venue de l'heure. Et ce verset, il ne nous indique pas que l'on doit délaisser cette obligation. Mais cela signifie que tu dois être vertueux toi-même, faire en sorte que tes actes soient conformes à ce qui est venu dans les textes du Coran et de la Sunna, accomplir le bien, t'écarter du mal, et ne pas te laisser troubler ou emporter par la corruption des gens dans la société dans laquelle tu vis ou dans ton entourage. Même si eux s'égarent et dérivent, tu ne dois pas dériver avec eux. Tu dois t'occuper de ta personne. Et en parallèle, tu te dois d'ordonner le bien et d'interdire le mal. C'est pour cela que, on rapporte de Abu Bakr, radiyallahu ta'ala anhu, qu'il a dit au sujet de ce verset: vous lisez ce verset, mais vous l'interprétez d'une manière qui n'est pas juste, ou une parole en ce sens. Puis il dit: j'ai certes entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: certes, si les gens voient l'injuste et ne le prennent pas par la main, c'est-à-dire pour l'empêcher de commettre son injustice, alors il est très proche qu'Allah subhanahu wa ta'ala les prenne tous par un châtiment. C'est-à-dire que si tu vois des gens commettre des péchés devant toi et que tu ne les en empêches pas, que tu ne leur interdis pas, que tu ne réprouves pas ce mal, alors il est à craindre que si un châtiment descend sur ces injustes, tu sois aussi pris par ce châtiment. Donc ceci est une preuve que le commandement du bien et l'interdiction du mal restent une prescription obligatoire dans notre noble religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam met en garde contre quatre caractéristiques dans ce hadith, qui sont: l'avarice obéit, le fait que la personne, son âme l'appelle à l'avarice, à ne pas dépenser ses biens dans la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, en retenant l'aumône obligatoire, en ne dépensant pas ses biens de la manière prescrite dans notre religion. Et ce par avarice. Ou alors la passion suivie, que l'homme suivre ses passions, suivre ses désirs, sans se soucier de savoir si ses passions sont permises ou non. Ceci également est une des portes parmi les portes de l'égarement. Il nous met en garde également contre ce bas monde privilégié, c'est-à-dire l'amour de ce bas monde, en le faisant prévaloir sur l'au-delà, comme ceux qui, pour des biens vils de ce bas monde, par exemple, vont délaisser leurs obligations religieuses, délaisser la prière pour un travail, délaisser la hijra pour certains conforts qu'ils trouvent dans des pays de mécréance, et ainsi de suite. Ceci sont des signes que ce bas monde occupe une place importante dans le cœur de ces personnes. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de purifier nos cœurs. Ensuite, il dit l'infatuation de chacun pour sa propre opinion. Chacun pense être sur la vérité, chacun pense avoir raison, chacun est fier de ce qu'il dit, fier de ce qu'il fait, fier de ses opinions, sans se soucier de savoir si ses opinions sont conformes ou non à ce qui est venu dans les textes du Coran et de la Sunna. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith, il y aura après vous des jours durant lesquels celui qui patiente sera comme celui qui empoigne une braise. Et ce, en raison de l'étrangeté de la religion, en raison du grand nombre de tentations qu'il y a autour des gens, en raison du grand nombre de personnes égarées présentes dans les différentes sociétés qui appellent au mal, qui appellent au polythéisme, qui appellent à la mécréance, qui appellent à l'athéisme, qui appellent à l'innovation, qui appellent au rejet de la religion, qui appellent au délaissement de la sunna, qui appellent à toutes sortes d'égarements, également aux passions, aux péchés, les gens qui appellent à la perversion, à la corruption des mœurs, et ainsi de suite. Celui qui veut rester ferme sur sa religion au milieu de ces gens, il est comme celui qui empoigne une braise. Imaginez une personne qui prend une braise dans sa main et qui veut la garder dans sa main. Il peut la lâcher à tout moment en raison de la douleur provoquée par cette braise sur sa peau qui va brûler. Donc s'il veut l'empoigner, cela va nécessiter de lui une grande patience et une fermeté. Et telle est la situation de celui qui veut rester ferme sur sa religion lorsque les gens sont corrompus. Il est comme celui qui empoigne une braise. Il doit donc faire preuve d'endurance, ne pas tenir compte de leurs reproches, de leurs blâmes, de leurs dénigrements, ni même de leurs nuisances. Il se peut qu'ils cherchent à te causer du tort. Il se peut qu'ils te menacent afin que tu délaisses la mise en pratique de ta religion. Mais tu dois rester ferme, ferme sur la vérité. Tant que tu sais que ce sur quoi tu es est conforme au Coran et à la Sunna, alors reste ferme, même si les gens s'opposent à toi. Et sache que si tu fais cela, il y a une récompense immense qui t'attend auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans la suite du hadith, celui qui œuvre en ses jours aura la récompense de 50 hommes qui accomplissent des œuvres comme les vôtres. Nous lui dîmes de 50 hommes parmi nous, parmi eux, il dit, de 50 hommes parmi vous, de 50 hommes parmi les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Car celui qui reste ferme sur sa religion, dans cette situation, au milieu des troubles, au milieu des fitanes, alors qu'il est seul, alors qu'il n'a personne pour le soutenir, pour le protéger du mal des gens du faux, pour le protéger de leurs nuisances, et qui malgré ça, il reste ferme sur sa religion, il défend sa religion, il proclame haut et fort sa religion, et il la met en pratique, il ne la délaisse pas. Alors ceci est quelque chose d'immense. Toutefois, reste à souligner que ce hadith ne signifie pas qu'une personne qui reste ferme sur sa religion au milieu des troubles sera meilleure que les compagnons. Non, car nul parmi nous ne peut atteindre le rang des compagnons, car le fait d'avoir tenu aux compagnons au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un rang que personne ne peut égaler après eux. Même le meilleur des tabi'in, le meilleur de ceux de la génération qui ont suivi celle des compagnons, il ne peut pas atteindre le mérite du moindre des compagnons, car il n'a pas tenu compagnie au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un rang qu'il ne peut atteindre après eux. Et les compagnons, leurs éloges sont venus dans le Coran, Allah les a agréés, Allah leur a promis le paradis, comme cela est démontré dans de nombreux versets. Malgré cela, celui qui reste ferme sur sa religion, il a tout de même une récompense immense pour cela. Ensuite, il dit, rahimahullah, et en ce sens, Ibn Waddah a rapporté le hadith d'Ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhuma, en ces termes. Il y aura après vous des jours durant lesquels celui qui se cramponne à ce sur quoi vous êtes aujourd'hui aura la récompense de 50 d'entre vous. Celui qui se cramponne à quoi? À ce sur quoi vous êtes aujourd'hui. Ceci est un ajout que l'on ne trouve pas dans le hadith précédent et qui nous indique la nécessité de se cramponner à ce sur quoi étaient les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Et c'est celui qui fait cela qui connaîtra réellement l'étrangeté de sa religion. Celui qui ressentira l'étrangeté C'est celui qui met réellement en pratique sa religion, comme l'a mettait en pratique le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Et certes, à notre époque, on trouve que l'islam est devenu étranger, d'autant plus pour celui qui souhaite se cramponner à la sunna. Les fitanes, les troubles se sont multipliés. Les gens de la sunna ont peu de soutien à travers le monde. Les ennemis de cette religion sont de plus en plus nombreux. Même certains parmi ses adeptes s'opposent à nombre de principes de la religion. Nombreux sont ceux qui ont dévié de la voie droite. Nombreux sont ceux qui appellent au mal, à la déviation. Nombreux sont ceux qui appellent au laxisme. Nombreux sont ceux qui appellent à l'innovation. Nombreux sont ceux qui appellent même à l'apostasie, à la mécréance, ou l'iyadu billah. Et seul Allah sait si les troubles qui viendront après nous seront pires que ceux qui sont présents aujourd'hui. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver, de nous raffermir sur cette religion. Quoi qu'il en soit, celui qui veut rester ferme sur l'islam, cela demande de lui de grands efforts. Cela demande de lui une sincérité. Cela demande de lui de la persévérance. Cela demande de lui une lutte contre sa propre personne, contre son âme incitatrice au mal. Et également, cela demande de lui l'apprentissage de la science religieuse afin de connaître la voie empruntée, afin de connaître les choses desquelles il doit s'écarter. Et celui qui fait cela, il sera comme celui qui empoigne une braise en raison des difficultés qu'il rencontrera face aux gens. Car les gens vont chercher à t'écarter de cette voie. Ils vont chercher à t'en détourner. Ils vont vouloir de toi que tu les suives dans le mal, que tu les suives dans les péchés. Car, contrairement à beaucoup de gens qui espèrent suivre la voie droite, les gens des péchés, eux, ils n'hésitent pas à appeler à leurs péchés. Ils n'hésitent pas à ordonner le mal, à interdire le bien. Ils n'hésitent pas à encourager les gens à les suivre dans le mal. Parfois, il y a certaines personnes qui ont du mal à ordonner le bien, à inciter les gens à la prière, à inciter les gens aux bonnes actions, et ainsi de suite. Ils ont honte de faire leur appel. Et inversement, tu vois ceux qui sont négligents dans leur pratique, ceux qui font preuve de laxisme, appeler à leur laxisme, appeler à leurs innovations, appeler à leur égarement. Ils ne sont pas gênés par cela. Et celui qui veut rester ferme, il doit faire face à leurs appels, à leurs tentations et à leurs dérives. Wallahu al-musta'an. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit, puis il a dit, Mohammed ibn Saïd nous a rapporté, Assad nous a rapporté, Sofiane ibn Uyayna nous a rapporté, d'après Aslam al-Basri, d'après Saïd, le frère d'Al-Hassan, qu'il attribue au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a confirmé Sofiane, qu'il a dit, vous êtes aujourd'hui sur une preuve de votre Seigneur. Vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal, vous luttez sur le sentier d'Allah, et les deux ivresses ne se sont pas manifestées parmi vous. L'ivresse de l'ignorance et l'ivresse de l'amour de cette vie. Et vous changerez de situation. Vous n'ordonnerez pas le bien, vous n'interdirez pas le mal, vous ne lutterez plus sur le sentier d'Allah, et les deux ivresses se manifesteront parmi vous. À ce moment-là, celui qui se cramponnera au livre et à la sunna aura la récompense de 50. On lui dit de 50 parmi eux, il répondit plutôt de 50 parmi vous. Médite sur cette exhortation immense du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith. Les deux ivresses ne se sont pas manifestées parmi vous. L'ivresse de l'ignorance et l'ivresse de l'amour de cette vie. L'ignorance, c'est une maladie destructrice. D'autant plus si l'ignorant ne garde pas son ignorance pour lui-même. S'il gardait son ignorance pour lui-même, alors il ne se causerait du tort qu'à lui-même et ne nuirait pas aux gens. Celui qui reconnaît son ignorance, généralement, son mal se limite à sa propre personne. Mais aujourd'hui, les ignorants, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent en avant, ils parlent, ils donnent leur avis, ils parlent de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sans science. Ils rendent licite, ils rendent interdit. Il donne des conseils, des orientations, et ainsi de suite. Et celui-ci, il se cause du tort à lui-même, et il cause du tort aux gens qui l'écoutent, aux gens qui le suivent. Et ceci est très présent à notre époque. L'ivresse de l'ignorance. Il est ignorant, il parle de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est ignorant, il ouvre des comptes sur les réseaux sociaux pour parler de la religion. Il est ignorant, il ouvre un site et il ouvre un blog qu'il remplit de copier-coller pour parler de la religion de l'islam. L'ivresse de l'ignorance. Elle s'est bel et bien manifestée aujourd'hui. N'importe quel ignorant se met en avant et veut parler de religion, sans se soucier de savoir s'il a les aptitudes ou non. Il veut appeler à cette religion, il veut faire la da'wah, car il est tombé dans l'ivresse de l'ignorance, wallahu al-musta'an. Et certes, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a avertis de cela dans de nombreux hadiths. qu'il viendra un temps où les gens prendront à leur tête des ignorants, qui leur feront des fatwas sans science, qui s'égareront et qui régareront les gens. C'est cela l'ivresse de l'ignorance. La deuxième ivresse qu'il a mentionnée, c'est l'ivresse de l'amour de cette vie, l'amour de ce bas monde. Les gens qui aiment ce bas monde et qui oublient l'au-delà, qui vivent comme s'ils allaient vivre éternellement dans ce bas monde, qui oublient que la mort peut les toucher à tout moment, qui oublient qu'ils vont retourner vers Allah, qu'ils seront jugés pour leurs œuvres, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur demandera des comptes sur les bonnes actions qu'ils ont délaissées, sur les péchés qu'ils ont commis, et ainsi de suite. Mais celui qui est pris par l'ivresse de l'amour de ce bas monde, il oublie l'au-delà. Il est dans l'insouciance. Il commet des péchés, il ne pense qu'au plaisir de son âme. Il suit ses passions, il suit ses désirs, et il oublie que cette vie a une fin et ceci est une cause pour l'écarter du droit chemin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit donc que celui qui vit à cette époque et qui se cramponne au livre et à la sunna, il aura la récompense de 50. Donc ceci nous montre une fois de plus le mérite de ces étrangers, ceux qui restent fermes sur la religion, qui sont vertueux alors que les gens sont corrompus, et qui se cramponnent fermement au livre et à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite il dit, rahimahullah, il a aussi une chaîne de transmission d'après Al-Mu'afiri qui a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, annoncez la nouvelle de Touba aux étrangers, ceux qui se cramponnent au livre d'Allah lorsqu'il est délaissé, et qui mettent en pratique ma sunna lorsqu'elle est délaissée. Ceci également est une des caractéristiques des ghuraba. Se cramponnent au livre d'Allah, malgré que les gens le délaissent. Ils se cramponnent à la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, même si les gens ne la mettent plus en pratique. Car ils recherchent à travers cela l'agrément de leur Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Ils savent qu'il y a une récompense immense en cela. Ils savent que la seule voie pour obtenir l'agrément d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est le suivi de ce livre, qui est un guide pour l'humanité, et le suivi de la sunna du meilleur des hommes qui a été envoyé en tant que miséricorde pour l'univers. Donc ils se cramponnent à cela, même si les gens ne sont pas d'accord avec eux, même s'ils sont un petit nombre, même si toute la société s'oppose à eux, ils restent fermes sur cette religion. À partir du moment où ils savent que ce qu'ils font est conforme à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend d'eux, alors ils restent fermes et ils persévèrent sur cette religion. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de tous nous raffermir sur sa religion et de nous compter parmi les ghurabas qui recevront la bonne nouvelle du paradis. On a donc terminé ce chapitre et on verra dans le prochain cours, insha'Allah ta'ala, le dernier chapitre de ce livre qui a pour titre La mise en garde contre les innovations, dans lequel l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné un hadith et un récit qui sont très riches en bénéfices, et dont nous verrons l'explication lors du prochain cours, Insha'Allah ta'ala. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa alhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.